Chapitre 7e. À 4 heures, Antoinette partit à pied pour aller faire une visite au Blainville. Elle passa par un petit bois qui séparait Étiole de la Rosière. C'était un peu long, mais elle évitait le soleil et les bonjours aux paysans. Tandis que, absolument cachée par le taillis, elle marchait de son pas long et élastique, elle aperçut dans une des avenues Madame de Breuil qui s'avançait. Pensant qu'elle allait peut-être à Étiole, la comtesse s'arrêta, attendant qu'elle fût près d'elle. Mais arrivée au bout d'un petit herbage qui longe l'avenue et dans lequel on met les poulains, Madame de Breuil revint sur ses pas. Elle marchait lentement, balançant mollement sa taille fine, et souvent se retournait pour regarder dans la direction de la barrière qui ferme l'herbage. Quand elle fut à l'autre extrémité de la clôture, elle revint de nouveau vers l'entrée. Évidemment, elle attendait quelqu'un. Antoinette, d'aussi loin, ne distinguait pas ses traits, mais tous ses mouvements indiquaient l'inquiétude et l'énervement. Madame d'Étiole se souvint que depuis quelque temps, Guy allait continuellement à cet herbage pour voir trotter les poulains, disait-il. Et lorsqu'elle voulait y aller avec lui, il l'en empêchait, prétextant qu'il serait de retour avant qu'elle eût seulement mis son chapeau. C'était donc pour rencontrer Germaine qu'il l'éloignait. Eh bien, aujourd'hui elle attendrait inutilement Madame de Breuil. Il était occupé ailleurs, par le tennis de Madame de Ligny et les gentils enfantillages de la petite La Solet. Il ne pensait guère à elle. Regardant une dernière fois la jeune femme, dont l'élégante et fine silhouette se détachait en bleu pâle sur la masse d'un vert lourd des arbres, elle se remit en route, faisant des vœux pour que Madame de Blainville fût sortie. Mais dès qu'elle eut tourné dans l'avenue, elle vit Blainville qui accourait devant d'elle, gentil, gai, prévenant, l'œil franc, l'allure libre. Un Blainville si différent de celui qu'elle avait vu la veille, qu'elle hésita presque à le reconnaître. Elle demanda. « La partie de tennis a donc fini de bonne heure, que vous êtes déjà rentré ?»« Non, mais j'en avais assez, moi, jouer en plein soleil par cette chaleur, c'est horrible. »« Est-ce que mon mari est revenu avec vous ?»« D'Étiole ?»« Ah ben oui !» Je l'ai laissé se multipliant, ramassant les balles que Madame de Ligny rate à chaque coup, courant comme un perdu, ruisselant et ravi. En voilà un qui a de l'entrain et une heureuse nature. Tout l'enchante. Madame de Blainville accueillit gracieusement la comtesse, la remerciant de la venir voir. Très souple, très chatte, femme du monde accomplie. Au bout d'un instant, elle dit à son mari « Voyez donc si Germaine est là. Elle serait désolée de manquer la visite de Madame d'Étiole. » « Germaine est sortie, » répondit Blainville. « Je l'ai rencontrée dans les avenues tout à l'heure. »« C'est vrai, c'est son heure, » s'écria la jeune femme. « Depuis son arrivée, elle sort toujours seule à cette heure-ci. » Et regardant de côté la comtesse, elle ajouta, « Ce n'est pas extraordinaire en soi, mais ma chère cousine est une personne très mystérieuse. » Antoine, qui avait compris l'insinuation, répondit gaiement, « Une promenade à cette heure-ci n'a rien de bien mystérieux. » « Non, sans doute. D'ailleurs, j'espère que vous allez la voir. Il est probable qu'aujourd'hui, elle ne sera pas longtemps dehors. Pourquoi, aujourd'hui, il fait si beau ?» La comtesse devinait que Madame de Blainville expliquait le prompt retour de sa cousine par l'absence de Guy, qu'elle s'avait retenu à Ligny. Mais elle s'amusait de voir jusqu'où pouvait aller la méchanceté. « Oh !» répondit la jeune femme d'un air indifférent. « Ce n'est pas le beau temps qui détermine le plus ou moins de durée des promenades de Germaine. » « Ah, qu'est-ce donc ?» fit la comtesse. Madame de Blainville la regarda, étonnée de cet aveuglement persistant. Elle pensait qu'Antoinette avait dû remarquer l'insistance avec laquelle Germaine l'examinait, et ses pâleurs subites, alors que M. d'Étiole disait un mot ou faisait une chose qui l'attristait. Elle cherchait un moyen de mettre plus encore les points sur les i, sans pitié pour les regards atterrés que lui lançait son mari au supplice. Et Antoinette, qui observait avec intérêt ce manège maladroitement méchant et cet effarement également maladroit, retrouvait à présent dans l'homme qu'elle voyait hésitant et soumis le Blainville déjà vu, à ce point qu'elle se figurait avoir rêvé celui de tout à l'heure, le joyeux garçon à la mine ouverte, qui était venu au-devant d'elle dans l'avenue. Après un silence, Madame de Blainville demanda « Vous êtes-vous décidée à être de la partie de Liverdun, madame ?»« Non. » Je le regarde beaucoup, mais ma journée était prise. Bah, si vous aviez eu envie de venir, vous auriez bien trouvé un moyen d'arranger les choses. Voyons, avouez que ça ne vous amuse pas. J'avoue. dit-elle en riant. « Ah, j'en étais sûr. Et M. Détiol, qui aime tant ces parties-là. « Eh bien, mais mon mari y va, lui. « Oui, je sais bien, mais enfin, ce n'est pas la même chose. « C'est ce pauvre Bessèche qui va être navré. » Comme la comtesse ne répondait rien, elle reprit. « Pour Bessèche, il n'y a pas sans vous de fête vraiment réussie. « Ah, il n'y a pas à dire, vous l'avez totalement hypnotisé, ce malheureux. « Aussi, est-ce qu'il va être grognon lundi ?» Il serait impardonnable, murmura Antoinette, d'être grognon entre vous, Madame de la Soleil, Madame de Breuil. Madame de la Soleil et moi, nous avons assez d'entrain, mais ma cousine de Breuil, qui n'a jamais été d'une folle gaieté, est aujourd'hui mortellement triste. Il lui est bien certainement arrivé quelque chose que nous ignorons, un chagrin, une déception, enfin, un événement quelconque a dû bouleverser sa vie. Elle est quelquefois fantasque, désagréable à l'excès. » Et d'une voix douce, la jeune femme ajouta, en posant sur Antoinette son regard clair et froid, « Je veux même, à ce propos, vous demander de l'excuser, car il m'a semblé qu'elle était avec vous particulièrement sèche et maussade. Si cela est, je vous prie de lui pardonner. Elle a droit à votre indulgence. » « Madame de Breuil n'a pas du tout besoin d'indulgence, » dit la comtesse, se levant pour partir, « et vous pouvez vous rassurer, madame, elle a été pour moi telle qu'elle devait être. » « Je vais vous reconduire, » proposa M. de Blainville, en regardant le bout de ses bottines, pour ne pas voir les yeux furieux de sa femme. Antoinette refusa. « Non, vous me contrarieriez. J'aime mieux marcher seul. Si agréable que soit mon compagnon, c'est une manie. » Pour rentrer à Étiole, elle prit par les avenues. Il était 6 heures. À la place où elle l'avait vue 1 heure plus tôt, elle aperçut de loin Germaine qui continuait à faire les 100 pas le long de la barrière de l'herbage. Le soleil descendait rond et rouge, semblable à une grosse lanterne japonaise accrochée à l'horizon, embrasant le paysage et enveloppant la jeune femme de ses reflets pourprés. À la vue d'Antoinette, son visage si blanc se colora violemment et son expression découragée s'effaça. Elle redressa sa haute taille svelte et attendit. Madame d'Étiol s'approcha souriante et lui tendant la main. « Je viens de la Rosière. J'ai beaucoup regretté de ne pas vous y trouver. » « Moi aussi, je regrette, » murmura machinalement Madame de Breuil. Elle semblait au supplice. Son joli visage fatigué, ses yeux battus, son sourire figé, disaient son chagrin et sa préoccupation, et Antoinette, en la regardant, fut prise d'une immense pitié et pensa « Elle est aussi malheureuse que moi. » Puis, voulant apaiser cette souffrance qu'elle devinait profonde et amère, elle expliqua l'absence de Guy au rendez-vous. « Il paraît qu'on a fait aligner un tennis monstre. Monsieur de Blainville vient seulement de rentrer, et quand il est parti, mon mari et les autres jouaient encore. « Ah !» fit la jeune femme. « Monsieur d'Étiol était aussi aligné. » Un peu de rose revenait à ses joues. La comtesse répondit. « Oui, c'est ce matin, en se promenant à cheval, qu'ils ont décidé cette partie. « Et vous, madame, vous n'en avez pas été de cette partie ?»« Non, moi je suis sauvage et casanière. » « Absolument le contraire de M. d'Étiol, » observa Germaine d'un ton sec. « Absolument. »« Et ça vous est égal ?»« Quoi ?»« De n'avoir pas les mêmes goûts ?»« Que mon mari ?»« Mon Dieu, il vaudrait mieux, sans doute, comprendre la vie de la même façon, mais quand il en est autrement ?»« Quand il en est autrement ?» questionna la jeune femme, devenant presque agressive. « Eh bien, on tâche de marcher paisiblement chacun de son côté, on suit parallèlement de route au lieu de suivre la même ?» « Pour faire ainsi, » répondit Madame de Breuil d'une voix brève, « il faut n'être pas jalouse. »« Aussi ne le suis-je pas, » affirma avec indifférence Antoinette. « Oh, pas du tout. » Et elle pensa, prête à pleurer, « Comme je mens, mon Dieu, comme je mens. »